franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, nous partons aujourd'hui à Saint-Quentin, où durant le Moyen-Âge, l'important monastère qui se développe grâce au pèlerinage sur la tombe de Quentin, un Romain chrétien venu évangéliser la région et martyrisé à Augusta, donne naissance à une nouvelle agglomération qui porte le nom du célèbre saint. Ouh, impressionnant. Quelques années plus tard, en 1899, a lieu la mise en service des deux premières lignes de tramway avec automotrice à traction à air comprimé. Impressionnant. On ne se refuse rien à Saint-Quentin, j'ai l'impression. Bonjour Luce. Bonjour Margaret. Bonjour docteur. Philippe. Oui, bonjour Luce. Qu'est-ce qui vous amène, chère Luce ? Eh bien, je voudrais juste témoigner de ce qui m'arrive. Voilà, je suis abstinente depuis 3 mois et demi. J'ai dépassé le stade des tremblements le matin. Ah oui, d'accord. Non, c'était une forte addiction alors. Pardon, vous avez quel âge, Luce ? 37. Bon, c'est jeune ça, quand même, pour arrêter tout comme ça. Vous voulez vraiment plus avoir d'enfants ? Ah si, si, au contraire, j'ai arrêté parce que je voudrais un autre enfant. Bon, alors, Luce, on va tout reprendre à la base. Si le papa ne peut pas mettre la graine dans la maman, il n'y aura pas de bébé, ni dans les choux, ni dans les roses. Donc, on arrête avec ces histoires d'abstinence et on se force un peu pour remplir son devoir conjugal. Ah non, non, non, mais je suis alcoolique, abstinente. Oh, vous êtes alcoolique. Ça, c'est dur, hein, surtout chez une femme. Hein. Oh, bah, c'est dur pour n'importe qui, hein, vous savez. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je parlais pas pour vous, je parlais en général. Hein, les femmes alcooliques, c'est toujours plus dur à regarder que les hommes alcooliques. Hein. Bah, c'est aussi terrible. Hein. Ouais, mais non, mais les hommes, c'est moins, je sais pas. Hein, je sais pas, quand un homme boit trop, bon, bah, c'est rigolo. Quoi. Quand il est sous, il dit des gros mots, il se casse la figure par terre, il conduit n'importe comment, il drague n'importe qui. C'est un bon bougre, quoi. Mais les femmes, je sais pas, on dirait tout de suite des clochardes pas lavées. Ouais, ouais. Et puis la femme, c'est la mère. Alors c'est joli, c'est féminin, une femme. D'ailleurs, quand elle est saoule, elle a honte. On n'en voit jamais arriver le matin en disant « Oh là là, qu'est-ce que je me suis mis hier soir ?» Hein, ça, c'est bien la preuve que c'est plus honteux. Voilà. Oui, puis pour un homme, c'est un côté carburant. Un peu, alors que pour une femme, ça fait... Je sais pas, ça fait, je me respecte pas. Hein, ça met mal à l'aise, quoi. Vous avez des enfants, Luce ? Oui, j'ai une fille, oui. Ah, aïe, aïe. Ça va être compliqué pour elle, ça, une maman. Voilà. Oui, oui, ouais, je sais bien, oui. Elle est alcoolique également ? Elle a 8 ans. Bon, bah, profitez-en bien. Alors, c'est quoi cette histoire d'abstinence ? Alors, en fait, je suis allée aux alcooliques anonymes. Mmh. Alors, je connais pas, madame. Les alcooliques anonymes. Ah, oui. Ah, bah, c'est pour ça qu'on ne les connaît pas, alors. Oui. Et ? Ben voilà, je voulais simplement partager mon expérience et dire qu'il y avait vraiment une lumière au bout du tunnel. Ouais. Et que grâce à des associations, il y a toujours moyen de s'en sortir, la tête haute. Oui, alors c'est bien hein, cet optimisme, Luce. Mais rendez-vous dans 10 ans, parce qu'il faut compter au moins ça avant de s'enorgueillir de s'en être sorti la tête haute. Oui, mais alors, aux alcooliques anonymes, on nous apprend le principe des 24 oui, heures. Oui, oui, on sait ça. Ça n'empêche que c'est dans longtemps que vous serez fixé définitivement. Ah non, non, non, justement, je ne serai jamais fixé définitivement. C'est une vigilance de tous les jours. C'est ça le principe des 24 heures. Tous les jours, je dois me dire, si je ne prends pas le premier veille, il n'y en aura pas de deuxième. Oui, ça c'est de la logique élémentaire. Hein. Pas besoin d'être anonyme pour balancer une vérité de la palissade. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à la blague qu'avait sorti mon papy Klaus. Oui, mais monsieur le juge, je ne pouvais pas supprimer les wagons de queue. Ah oui, il y a toujours. Enfin, cela dit, hein, il n'y avait pas eu un rire dans la salle, comme quoi l'humour, c'est subjectif. Mais ce n'est pas une blague, hein, le truc des 24 heures, ça sauve beaucoup de gens. Hein. Ouais. Alors, ce truc de pas de premier verre, là, c'est donc pas d'alcool à jeun, c'est ça ? Non, non, non, pas d'alcool du tout, non, non. Ah d'accord, juste du vin ou de la bière en mangeant. Quoi. Ah non, non, zéro alcool, pas une goutte. Bah, avec du fromage ? Bah non, non, non, jamais. Bah, c'est comme si vous faisiez un régime zéro nourriture, c'est pas tenable. Vous n'y arriverez jamais, c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Hein. C'est dur, mais j'y arrive et je suis fière de moi. Et ma fille aussi est fière de moi. Ah, vous avez avoué à votre propre fille que vous êtes alcoolique. Oui, ma guérison passe par la reconnaissance de ma maladie. Oui, enfin, maladie. Mais vous n'avez pas la sensation d'instrumentaliser votre enfant ? Comment ça ? Ben, en la forçant à écouter cette vérité qui ne soulage que vous. Est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous vous dites « Oh, ben ouais, les alcooliques anonymes, ils commencent à me... je boirais bien un petit coup, moi. Ben, bien sûr, oui, je lutte tous les jours, oui. Oh, mais c'est dur, alors. Oh, c'est pas du tout festif, parce que l'alcool, c'est la fête, on rigole. Ou alors, vous pouvez boire un petit peu de bière sans alcool, peut-être. Ah non, c'est déconseillé. Il faut vraiment oublier même tout ce qui peut ressembler à l'alcool. Et même, je crois qu'il y a quand même 1% d'alcool dans ces bières-là. Bon, 1%, franchement, ça va. Allons-y. Et puis, vous savez, c'est pas très bon d'arrêter comme ça d'un coup. Hein. Pourquoi tout ou rien ? Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi pas faire comme tout le monde, un petit verre comme ça de temps en temps, pour le plaisir, sans pour autant devenir alcoolique ? Mais je suis une alcoolique ! Oui. Bon ben, c'est pas en disant qu'on est malade qu'on guérit. Et ça, c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Vous seriez pas d'un tempérament un peu compulsif, pardon, hein ? Mais vous savez ce que c'est qu'une alcoolique ? Ah, sans doute moins bien que vous, Dieu merci. Mais je sais qu'en psychanalyse, c'est une femme qui n'a pas su tuer le frère. C'est ce qu'on appelle le complexe de Bogdanov, madame. Voilà, Luce. Et ça a coupé, voilà. Il est dur, hein, son régime. Voilà, oh là oui. Là, pas une goutte, rien, même pas pour trinquer. C'est pas bon, ça va déprimer à force, je te le dis, moi. T'imagines si on arrêtait tout ? Alors, plus de vin le midi, plus de vin le soir, plus d'apéro, plus de digestif, plus de champagne quand on va au resto, pas le petit kir dans la journée, même pas une bière, on boirait quoi ? Eh ben, que de l'eau. Oh là là. Puis alors, bonjour l'ambiance. Puis alors, bonjour les conversations. Et au revoir les copains. Ouais, mais ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas réussi à lui faire comprendre ça. Non, ça va venir. Peut-être que Voltaire, il parviendrait mieux que nous, puisqu'il a dit « Usez, n'abusez pas. Ni l'abstinence, ni l'excès ne rendent un homme heureux. » Bah, et les femmes ? Oh, ma féministe de service. Les femmes aussi. Bon, merci à Yann Chouquet, qui heureusement pour nous ne s'abstient pas de mettre en onde notre émission. Oui, merci. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.